بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc le cours d'aujourd'hui c'est le cours 94 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ici, وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس طوبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Donc, ce qui signifie, il dit qu'il est rapporté dans صحيح البخاري selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, ô vous les gens, repentez-vous à votre Seigneur, car par celui qui tient mon âme en sa main, je me repens, je demande pardon à Allah dans une journée plus que 70 fois. Et c'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu. Cheikh al-Fawzan, il dit, النبي صلى الله عليه وسلم مع طاعته لله وكمال عبوديته ومع هذا يستغفر الله من التقصير ولأنه لا أحد يوفي حق الله من الخلق حق الله عظيم ولكنه يعفو ويسمح سبحانه وتعالى وإلا ما أحد يؤدي حق الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلا أحد يوفي حق الله فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال عبوديته يستغفر الله ويتوب إليه والله أمره بذلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما مع كمال عبوديته سبحانه وتعالى الاستغفار والتوبة مطلوبان ومتأكدان في حق العباد وليس خاصين بالذنوب بل التقصير في حق الله يحتاج إلى استغفار وتوبة. Donc, Cheikh Al-Fawzan, ici, il explique un point très important par rapport au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec toute son obéissance à Allah et la perfection de sa soumission et de sa servitude vis-à-vis d'Allah, et malgré ça, il demande pardon à Allah pour les manquements. Hein? Et il dit, il n'y a personne qui est capable de rendre ou de donner à Allah subhanahu wa ta'ala son droit parmi les créatures. C'est-à-dire qu'il n'y a personne parmi les créatures, parmi les hommes, qui sont capables de donner à Allah subhanahu wa ta'ala son droit de façon fidèle comme il le mérite. Et le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il est indulgent, il pardonne, il excuse ses créatures et ses serviteurs. Parce que sinon, personne n'est capable hein, de donner le droit à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mérite. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il dit, comme c'est rapporté par Muslim, selon Aisha radiallahu anha, qu'il disait dans son dua, « La uhsi thana'an alayk » C'est-à-dire que je ne peux pas te glorifier hein, comme tu mérites. Hein, je ne serais pas capable de te glorifier hein, comme tu serais méritant de l'être. Mais tu es tel que tu t'es glorifié toi-même. Donc personne ne peut glorifier Allah mieux que Allah lui-même. Et donc, il n'y a personne qui peut yani, être fidèle vis-à-vis au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures. Et même le messager, sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa perfection dans sa servitude et dans son adoration d'Allah, il demande pardon à Allah et il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme il le dit dans le hadith plus que 70 fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire cela. Dans le verset 3 dans sourate An-Nasr, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fasabbih bihamdi rabbika wa staghfirhu innahu kana tawwaba » C'est-à-dire, et glorifie la louange de ton Seigneur et demande-lui pardon, certes, hein, il est tawwaban, c'est-à-dire, il est repentant dans le sens qu'il accepte la repentance de son serviteur et il revient vers son serviteur lorsque son serviteur se repent à lui. Et il dit dans le verset 106 dans Sourate An-Nisa, wastaghfirillah inna Allah kana ghafuran rahima. Et demande pardon à Allah, certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Et donc avec malgré la perfection de l'adoration du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le messager sallallahu alayhi wa sallam demande pardon à Allah et il se repent. Et ce sont deux choses qui sont exigées et qui sont également confirmées en ce qui concerne les serviteurs et les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la repentance, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est seulement pour les péchés. Parce que c'est sûr qu'il faut se repentir pour les péchés, mais le cheikh il dit, même pour les manquements, hein, même pour nos manquements, il faut se repentir aussi. Et ça demande de la repentance et de demander pardon à Allah. Ensuite, le cheikh il dit, وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة أو قال أكثر من 100 مرة. Donc il dit, le Cheikh Ibn Taymiyyah dit que dans le Sahih de l'imam Muslim, il est également rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innahu la yughanu ala qalbi » Et il dit « Wa qawluhu yughan min al-ghayni wa huwa al-ghaym wal murad al-fatarat wal ghafalat an al-dhikri alladhi kana sha'nuhu al-dawam alayhi fa'idha fatara anhu aw ghafala udda thalika dhanban » Donc ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Innahu la yughanu ala qalbi » Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que des fois, j'ai un peu d'insouciance ou un peu d'insouciance dans mon cœur à cause des distractions de la dunya ou à cause des occupations de la dunya et des périodes dans lesquelles je ne me rappelle pas d'Allah par rapport à des occupations qui l'occupent dans la vie, dans les choses de la vie. Donc il dit, et donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour cela au moins 100 fois, 100 fois par jour. Et dans les sunan, il est rapporté selon Ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, il dit, lorsqu'on était avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, assis avec lui, on pouvait lui compter le nombre de fois qu'il répétait « Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim » 100 fois. Ou bien il a dit plus que 100 fois. Donc ça veut dire que lorsqu'il s'asseyait avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il l'entendait répéter Rabbi ghfir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, au moins 100, une centaine de fois pendant le moment où, pendant le temps qu'il était assis avec lui. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répétait constamment. Et donc le cheikh Al-Fawzan il explique ça par rapport au premier hadith, hein, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la yuran ala qalbi, yuran yani yahsul lahu min shay'un min al-ghafla لأنه بشر صلى الله عليه وسلم ويحصل له انشغال وغفلة ثم يتوب الله أو ثم يتوب إلى الله ويستغفر أكثر من 100 مرة وهذا من أسباب استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم ومن استغفاره أنه قد تمر عليه لحظة يغفل فيها أو يغفل عن ذكر الله عز وجل فهو بحاجة إلى الاستغفار فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره وفي المجلس الواحد 100 مرة أو أكثر ليس طول اليوم بل في المجلس الواحد فهو ملازم صلى الله عليه وسلم للاستغفار والتوبة إلى الله فكيف بنا نحن. Donc le cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parfois il lui arrivait une forme d'insouciance ou une certaine insouciance parce que c'est un être humain sallallahu alayhi wa sallam, et il dit parfois il était préoccupé ou distrait par certaines choses, et ensuite il se repentait à Allah et il demandait pardon à Allah une centaine de fois, et il dit que ça c'est donc une des causes de la demande de pardon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, et il demandait pardon à Allah parce que parfois il y avait certains instants dans lesquels il était insouciant ou distrait du rappel d'Allah, et à cause de ça il avait besoin de demander pardon à Allah à chaque fois. Et donc ça, si c'est ce qu'on peut dire à propos du droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire, hein, de quelqu'un d'autre que lui? Et si on compare l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on regarde notre situation à nous aujourd'hui, eh bien on voit que la situation est beaucoup plus grave pour nous, puisque des fois on est tellement distrait dans la dunya et tellement préoccupé. Et ça, c'est lorsqu'on est préoccupé par des choses qui sont, à la limite, yani mubaha, yani des choses qui ne sont pas interdites en soi, sauf qui nous distraient et qui nous occupent, hein, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et que dire donc des gens qui passent des heures devant la télé sans jamais se rappeler d'Allah, sans mentionner le nom d'Allah, sans faire d'invocation à Allah, sans faire de rappel d'Allah. Et que dire de ceux qui passent des heures sur les téléphones ou sur les jeux vidéo ou sur toutes sortes d'autres distractions, et que pendant ces heures-là, ils ne se rappellent même pas une fois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne demandent même pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, imaginez la différence entre nous et l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on devrait prendre exemple sur lui et essayer de suivre son exemple et essayer de faire comme il nous a enseigné, pour justement toujours rester dans le rappel d'Allah et demander pardon pour nos insouciances encore plus que lui, à la limite, parce que lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses péchés passés et futurs sont déjà pardonnés, tandis que nous on a besoin de plus de son pardon et de sa miséricorde, donc on devrait le demander encore plus, hein? Et dans une seule assise, les sahaba ont mentionné qu'ils répétaient astaghfirul yani rabbi ghfirli, hein, وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يعني 100 fois ou plus. Donc si c'est, ça c'est pas dans une journée, ça c'est dans une seule assise, hein? Donc imaginez, hein, dans une journée entière combien de fois il le répétait. Et je me rappelle d'avoir observé parmi les ulama de notre époque, certains d'entre eux, et en particulier le cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, lorsqu'il était assis et que il attendait quelque chose ou qu'il y avait, il y avait, il faisait pas quelque chose de, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le dhikr, hein? Il faisait le dhikr. Et on l'entendait tout le temps répéter ça. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tout le temps, en train de répéter. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, la yazalu lisanaka ratban min dhikrillah. C'est-à-dire que ta langue ne cesse de rester humide par le rappel d'Allah. C'est-à-dire que ta langue, elle bouge constamment à cause du rappel d'Allah qu'elle fait. Il dit, وهذا كله رد على الذين يعني يكملون أنفسهم أو يكملون أنفسهم نعم يقولون نحن أولياء الله وهم يبارزون الله بالمعاصي والكفر والشرك ويقولون نحن أولياء الله نحن خاصة الخاصة لا ولا يضرنا شيء ويعني ما يضرنا شيء لأننا أولياء الله وهذا رد عليهم. Le cheikh, il dit, tout ça, c'est une réfutation de ceux qui se pensent parfaits parmi les gens et qui pensent qu'ils sont des awliyas d'Allah. Ils disent, nous, on est des awliyas d'Allah. Et ils exposent leurs péchés, toutes sortes de péchés contre Allah, et toutes sortes de formes de kufr et de shirk. Puis ensuite, ils disent, nous, on est des awliyas d'Allah. On est des élites de l'élite. Il n'y a rien qui nous fait du tort. Peu importe qu'est-ce qu'on fait comme péché, on est pur. Hein? On est des awliya d'Allah. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui pensent ça. Et il y a des gens parmi les soufis, comme ça, ils pensent que peu importe les péchés et les choses qu'ils font, hein, ils sont toujours des awliya d'Allah. Et qu'il n'y a pas rien qui fait baisser leur foi ou diminuer leur foi. Et que tout est halal pour eux. Hein, du moment qu'ils ont atteint al-yaqin, comme ils disent, on a atteint al-yaqin, on peut faire ce qu'on veut. Alors qu'ils ne réalisent pas que al-yaqin, c'est la mort. Quand Allah il dit, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-yaqin, la certitude. La certitude, c'est la mort. Ça ne veut pas dire que tu peux adorer Allah, puis à un moment donné, tu vas atteindre une certitude, alors ça veut dire que tu n'as plus besoin d'adorer Allah. Ça, c'est une mauvaise compréhension, hein, du verset. Ensuite, le cheikh il dit, وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ أَنْ يَخْتِمُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِالِاسْتِغْفَارِ. Il dit, le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à ses serviteurs de clôturer leurs œuvres, qui sont des œuvres de bien, hein, les bonnes choses qu'ils font, par la demande du pardon. Hein. Et on voit ça dans la salat, par exemple. Lorsqu'on prie, à la fin de la salat, on dit Astaghfirullah trois fois. Hein? Pourquoi? Malgré qu'on ne vient pas de faire un péché, pourquoi on demande pardon? Hein? Les ulama, ils ont dit parce que si on a eu des manquements dans cette prière ou des distractions, eh bien on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Et le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit Allahu Azza wa Jal, أمر بعبادته وطاعته وطاعة رسوله وكلف عباده بذلك ووعدهم على ذلك بالثواب الجزيل والخير الكثير في الدنيا والآخرة وهو لم يأمرهم بالطاعة ولم ينههم عن المعاصي لأجل التضييق عليهم أو لأجل أن يتعبهم بل لأنه بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى وإنما أمرهم بالعبادة والطاعة ونهاهم عن المعاصي لمصلحتهم هم فهم المحتاجون إلى الله عز وجل وإلى عفوه وإحسانه فهذا لمصلحتهم ومن رحمته بهم فلم يتركهم وأهواءهم وإنما بين لهم سبحانه وتعالى ما ينفعهم وأمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يضرهم وإلا فهو غني عنهم وعن عبادتهم قال عز وجل وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم وهذا لمصلحتهم ومن رحمته بهم. Donc le cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de lui obéir et d'obéir à son messager et il les a chargés de l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala a chargé ses serviteurs de l'adoration. Il veut qu'on l'adore lui seul. Et il leur a promis la grande récompense pour le bien qu'ils font dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il dit, et il ne leur a pas ordonné l'obéissance, ni ne leur a interdit le péché uniquement dans le but de leur rendre les choses difficiles, ou bien de les limiter ou de leur rendre les choses gênantes, ou pour les fatiguer seulement. Non, c'est pas ça l'objectif que Allah pour laquelle Allah nous a ordonné de l'adorer et de lui obéir, ou pour laquelle il nous a interdit. On entend ça des fois de la part de certains qui disent mais pourquoi on parle toujours d'interdiction, pourquoi on parle d'obligation, ça c'est dur, c'est difficile, pourquoi la religion on parle de cette façon, ça fait fuir les gens. A'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a ordonné des choses et s'il nous a interdit des choses, c'est pour notre bien, c'est pas pour nous fatiguer, c'est pas pour nous gêner, c'est parce qu'on a besoin de cette adoration d'Allah et parce que c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous avant tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'en a pas besoin pour lui. Lui, il n'a pas ordonné ça pour lui-même. C'est pas parce qu'il a un besoin de nous ou de notre adoration. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-ghaniyu. Al-ghaniyu, ça veut dire celui qui est tellement riche qu'il n'a besoin de personne ni de rien. Il se suffit à lui-même. Donc, il a uniquement ordonné aux serviteurs l'adoration et l'obéissance. Et il leur a uniquement interdit les péchés pour leur bien à eux. C'est-à-dire pour le bien des créatures et des serviteurs eux-mêmes. Et c'est eux qui ont besoin d'Allah et de son pardon et de sa bonté. Et donc tout ce qu'ils font comme bien et comme bonne action, c'est uniquement pour leur bien, leur bien-être à eux. Et c'est une miséricorde pour eux, Donc, il ne les a pas abandonnés à leur passion et à leur désir, mais il les a uniquement appelés vers qu'est-ce qui est bénéfique pour eux et qu'est-ce qui est bon pour eux. Et il leur a ordonné qu'est-ce qui est bon pour eux et qu'est-ce qui les réforme. Il leur a interdit tout ce qui est nuisible et tout ce qui est mauvais pour eux. Donc, il y a toujours un bienfait pour nous dans tout ce que Allah a légiféré. Et il dit, sinon, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghaniyun. Il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien ni de personne. Et il n'a pas non plus besoin de l'adoration des créatures et des serviteurs. Et comme il le mentionne dans le verset 8, dans Sourate Ibrahim, et il dit ce qui signifie, « Et Moussa, alayhi salam, a dit, « Si vous reniez la foi, vous tous, ainsi que tous les habitants de la terre, alors sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghaniyun, il se suffit à lui-même, il est le riche et le digne de louange. Donc il n'a besoin de personne. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyun hamid. Donc si tous les êtres humains qui sont sur terre, sans exception, devenaient tous des kuffars, ils reniaient tous la foi, ils refusaient d'obéir aux ordres d'Allah et choisissaient de désobéir à tous les commandements d'Allah, eh bien ça n'enlèverait rien à Allah. Ça n'enlèverait rien du tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, dans le verset 7 dans Surat Az-Zumar, In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. Si vous reniez la foi, alors certes Allah est ghaniyun ankum, c'est-à-dire il se passe complètement de vous, il n'a aucun besoin de vous parce qu'il se suffit à lui-même. Wa la yarda li 'ibadihi al-kufr. Et ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de la mécréance de ses serviteurs. Non, il n'agrée pas l'ingratitude et la mécréance de son serviteur. Et si vous êtes reconnaissant, hein, il en est satisfait pour vous. Hein, il en est satisfait pour vous. Wa in tashkuru yardahu lakum. Donc c'est pour votre bien et c'est pour une miséricorde pour vous qu'il vous a révélé toutes ces règles, qu'il vous a interdit ce qui est mauvais et qu'il vous a permis hein, et ordonné ce qui est bon pour vous. Et il dit وَلَمَّا كَانَ الْعَبْدُ ضَعِيفًا وَتَعْتَرِضُهُ أَشْيَاءَ قَدْ يَحْصُلُ مِنْهُ نَقْصٌ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ أَوْ خَلَلٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ بِحُكْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلنَّقْصِ فَمِنْ رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَغْلِقْ دُونَهُ الْبَابَ وَلَمْ يَتْرُكْهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ يَأْتِي بِأَعْمَالٍ نَاقِصَةٍ أَوْ بِأَعْمَالٍ بَاطِلَةٍ لَمْ يَتْرُكْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَلْ شَرَعَ لَهُ التَّوْبَةَ وَالِاسْتِغْفَارَ ولم يعاجله بالمؤاخذة وبالعقوبة أو يغلق بابه دونه بل شرع له أن يستدرك بالتوبة والاستغفار وليس هناك أحد كامل في العبادة ولا بد من نقص والنقص كثير ولذلك شرع الله الاستغفار بعد العبادات انظروا شرع الاستغفار بعد العبادات فكيف بالاستغفار بعد المعاصي والسيئات. Donc le cheikh il dit, étant donné que l'être humain il est faible et il est sujet à toutes sortes de faiblesses et de péchés et d'erreurs et d'égarements et d'oubli et d'insouciance et de manquements et ainsi de suite, donc c'est possible qu'il y ait des manques dans son adoration à Allah et des défauts dans son adoration et dans son obéissance, du fait que c'est un être humain. Par sa nature même, il est imparfait, il est faible. Et peut-être qu'il va être susceptible donc d'être touché par des faiblesses ou des manquements ou toutes sortes de choses de ce genre. Et parmi les exemples de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que Allah n'a jamais fermé la porte hein, à la repentance ou à ce que le serviteur se reprenne et essaie de faire mieux et de s'améliorer, de se corriger. Donc, si le serviteur, il commet des fautes ou des manquements ou des erreurs hein, ou des actes qui sont défaillants ou déficients ou qui sont nuls ou annulés par toutes sortes de choses, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas abandonné ainsi. Plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et il nous a ordonné de nous repentir et de demander pardon pour traiter et pour régler hein, les défauts de nos actions et de nos adorations. Et il n'a pas non plus précipité les châtiments directement après le péché pour ses serviteurs ou le fait de les prendre pour compte. Il leur laisse toujours un délai et il ne leur ferme jamais la porte hein, pour qu'ils soient capables de se reprendre et de se corriger par la repentance et la demande de pardon. Et donc, il n'y a personne qui est parfait dans l'adoration. Il doit y avoir absolument un manquement quelconque ou une défaillance quelconque et les manquements sont nombreux. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré de demander pardon à Allah après avoir accompli les actes d'adoration. Et regardez, le cheikh dit, regardez, il a légiféré la demande de pardon après les actes d'adoration. Alors que dire de demander pardon après les péchés, après la désobéissance? Hein? C'est encore plus clair. Si tu commets si tu fais un acte d'adoration, puis après l'avoir fait, tu demandes pardon, que dire de celui qui fait des péchés? Il devrait encore plus se repentir et demander pardon à Allah. Donc le cheikh, il dit, « Fa'ahlul ihsan wa ahlul khayri ya'touna bit-ta'ati wa yastaghfiruna Allah 'anil naqs. » Donc les gens, ils pensent que les awliya, c'est les gens qui ne font pas de péché. Hein? Et qu'ils ne font pas, qu'ils n'ont aucun manquement, aucune faiblesse, aucun défaut, aucune imperfection. Et ça, c'est une erreur. Et ça, c'est une fausse compréhension. Parce que les awliya d'Allah, ils peuvent commettre des fautes, ils peuvent commettre des péchés, ils peuvent avoir des manquements, ils peuvent avoir des insouciances, ils peuvent avoir des indifférences. Mais la différence entre les awliya et les gens qui sont éloignés d'Allah, c'est que les awliya d'Allah, lorsqu'ils ont un péché ou un manquement ou une faute ou une erreur, ils se repentent à Allah et ils demandent pardon à Allah et ils se réforment et ils se corrigent. Ils ne persistent pas à continuer dans le péché indéfiniment sans se repentir. C'est ça la différence. Et donc, ici, le cheikh, il explique que « يعني أهل الإحسان وأهل الخير يأتون بالطاعات ويستغفرون الله عن النقص وأنهم لم يوفوا حق الله وأكمل الناس عبادة لله محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذا كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس أكثر من 70 مرة وفي اليوم أكثر من 100 مرة يستغفر ربه لأنه لا أحد يوفي حق الله سبحانه وتعالى فإذا كان هذا في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يصدر منه ذنوب ومعاصي ولكن التقصير حاصل ولذلك يستغفر الله ويتوب إليه فكيف بنا نحن. Donc le cheikh, il dit, les gens de l'ihsan, les gens qui adorent Allah et qui perfectionnent leur adoration pour Allah, et les gens du bien, ils font des actes d'obéissance et ils demandent pardon à Allah pour les manques et les fautes. Hein? Et malgré ça, ils n'arrivent jamais à rendre à Allah son droit de façon complète et parfaite. Et la plus parfaite des hommes, le plus parfait des hommes parmi les créatures dans l'adoration d'Allah, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, même lui, il demande pardon à Allah et il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala dans une assise plus que 70 fois et dans une journée plus que 100 fois. Il demande pardon à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est capable de rendre à Allah le droit qu'il mérite et de lui donner son droit de façon parfaite et complète. Et donc, si c'est le cas du messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne commet même pas de péché ni de désobéissance, alors on sait que s'il ne connaît pas de, il commet pas de péché, il commet pas de désobéissance, alors pourquoi il demande pardon? Parce que il peut avoir des manquements, il peut avoir des manquements ou des faiblesses dans certaines de ses adorations. Et c'est pour ça que il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'est le cas du messager, alors que dire de nous, hein, qui ne sont pas des messagers ou des prophètes ou des hommes pieux? On a encore besoin encore plus de la miséricorde d'Allah que le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il dit, الإنسان لا يقول أنا صليت وخلاص أنا أديت حق الله أنا ما تركت شيئا. لا يا أخي, أنت لم تسلم من النقص, فاستدرك واجبر بالاستغفار. ولذلك ولهذا شرع الله الاستغفار بعد العبادات, شرع الاستغفار بعد الفريضة, وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. والله عز وجل أثنى على المتهجدين بالليل، المتهجدين بالليل الذين يتهجدون ثم يختمون بالاستغفار، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، هؤلاء أهل الجنة، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. في آخر الليل بعد قيام الليل يعني يتبعون ذلك بالاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم في أوصاف المؤمنين والمستغفرين بالأسحار، والله عز وجل ذكر عن السابقين المقربين قوله عز وجل إن الذين، ذكر عن السابقين المقربين قوله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم يأتون بالأعمال الصالحة العظيمة، ومع هذا يخافون من الله أن لا يتقبل منهم أو يكون في عملهم خلل أو نقص، لا يكملون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم، بل هم يخافون من الله. والذين يؤتون ما أتوا يعني من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que l'être humain il doit pas dire ça y est j'ai prié maintenant c'est suffisant, hein, j'ai rempli mon droit envers Allah. Il dit non, hein, tu dois pas dire ah ça y est j'ai rien laissé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu ne dois pas dire non. Tu ne dois pas dire, ah, moi j'ai rien laissé, ça y est, j'ai fait mon devoir envers Allah, j'ai donné à Allah son droit, ça y est. Hein? Le cheikh dit, non mon frère, hein? Tu n'es pas exempt de manque. Hein? Essaie de remplir le manque que tu as dans tes adorations et de réparer ça en faisant des estirvar, yani tu demandes pardon à Allah, tu dis astaghfirullah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré qu'on demande pardon à Allah après les actes d'adoration. Et yani le fait de dire astaghfirullah, pour certaines personnes ça devient comme une habitude, ils disent astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, mais ils ne le pensent pas vraiment ou ils ne réfléchissent pas vraiment à la signification de ce que signifie Astaghfirullah au moment où ils le disent. Donc, ils le disent avec la langue, mais ils ne le disent pas vraiment avec leur cœur. Donc, ça, c'est important de tenir compte de la signification de Al-Istighfar. Et le Cheikh, il explique ici que Allah a légiféré donc de demander pardon après les actes d'adoration, yani, et il a légiféré également de demander pardon après les actes obligatoires. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le taslim à la fin de la salat, il disait astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, hein? Et donc ça c'est pour dire que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de demander pardon après un des meilleurs actes d'obéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait les éloges de ceux qui prient la nuit, hein, dans le Coran, ceux qui font le tahajjud, la prière de la nuit, et ils terminent leur prière par le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il parle, il mentionne les versets dans Surat al-Dhariyat, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala décrit les gens du paradis, hein, les muttaqoun, ceux qui ont at-taqwa, qui sont pieux et qui ont la récompense d'Allah dans le paradis. Et il cite les versets 15, 16, 17, dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne certaines caractéristiques des croyants et comment ils étaient dans la dunya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, recevant de leur Seigneur, hein, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils étaient, hein, auparavant, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, des bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit. Hein, pourquoi? Parce qu'ils priaient la nuit. Hein. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et dans leur bien, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est pour dire que aux dernières heures de la nuit, après avoir prié, ils imploraient le pardon d'Allah. Et c'est ça le point que le cheikh il établit ici. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça aussi. Donc, le fait que après avoir prié les prières de la nuit, hein, on fait suivre cela par la demande du pardon. Hein, ça fait partie des descriptions des croyants. Et le verset 17 dans Surat Al-Imran, « Wal mustaghfirina bil ashar », hein, ceux qui demandent pardon à Allah au moment de l'aube. Hein, au moment de l'aube. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également les sabiqin, al-muqarrabin, ceux qui sont rapprochés d'Allah et ceux qui sont au-devant des autres dans l'obéissance d'Allah, dans Surat al-mu'minun. Hein, et il dit dans les versets 57 à 60, et ça c'est les versets qu'on a lus l'autre jour dans Surat al-mu'minun, dans le cours de Kitab al-Tawhid. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets-là ce qui signifie « Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient aux versets de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur. Hein? Ceux qui donnent ce qu'ils donnent aux gens, hein? à ceux qui en ont besoin, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. » Donc, le cheikh, il dit, donc ils donnent, hein, ils donnent ce qu'ils font et ils font les bonnes œuvres, hein, ils font les actes d'obéissance. Et malgré ça, ils ont peur que Allah ne va pas accepter ce qu'ils font comme bonne action. Ou ils ont peur que dans les actions qu'ils ont faites, il y ait un manque ou quelque chose d'incomplet. Hein. Donc, ils ne se sentent pas parfaits et ils ne se purifient pas eux-mêmes. Plutôt, ils craignent, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont peur d'Allah. Donc, ceux qui donnent ce qu'ils donnent comme bonne action, ce qu'ils font comme bonne action, alors que leur cœur frémissent à l'idée de revenir à leur Seigneur, hein, ceux-là sont ceux qui se précipitent vers les bonnes œuvres et ils sont ceux qui devancent tous les autres dans le bien. Et donc ça fait partie, hein, comme le cheikh il dit ensuite, « فَمِنْ رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ شَرَعَ لِعِبَادِهِ الْإِسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَ بَعْدَ الْعِبَادَاتِ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَعَصِي وَالسَّيِّئَاتِ » Donc il dit, c'est parmi les exemples de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a légiféré pour ses serviteurs le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir après avoir accompli les actes d'adoration. Alors que dire de demander pardon après les péchés et après la désobéissance, hein? Donc ça c'est encore plus confirmé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs, que ce soit ceux qui commettent des péchés ou ceux qui ont fait des actes d'obéissance, il leur a à tous légiféré la repentance et la demande du pardon. Hein? Et les premiers, ceux qui font des péchés, il leur a légiféré la demande de pardon pour leur manquement, ou bien plutôt, je m'excuse, ceux qui font les actes d'obéissance, Allah leur a légiféré la repentance et la demande de pardon pour leur manquement et pour leur défaillance ou leurs adorations incomplètes, hein, ou imparfaites. Et les autres, ceux qui ont commis des péchés, il leur a légiféré la demande de pardon et la repentance pour leurs péchés et pour leur désobéissance. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs et pour également sa douceur envers eux. Et c'est pour cette, et il y a dans ça une réfutation, hein, comme on l'a dit, de ceux qui prétendent que ils n'ont pas besoin d'adorer Allah, ils n'ont pas besoin, hein, des adorations parce qu'ils sont des awliya et qu'ils ont déjà atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit « wa'arafu », hein? Ils disent « Nous, on n'a pas besoin d'adorer Allah, on est arrivé à Allah, on a atteint la certitude, hein? On connaît Allah maintenant, donc on n'a plus besoin de faire ce qui est ordonné, de s'abstenir de ce qui est interdit, on n'a plus besoin d'adorer ou de faire des du'as parmi ceux qui sont, hein, les extrémistes parmi les soufis. » Donc, les soufis, parmi eux, il y a cette catégorie-là. Et eux, ils pensent que ce sont les élites, hein, parmi les soufis, qui, eux, ont atteint le plus haut degré. Une fois qu'ils ont atteint ce degré-là, ça y est, ils sont libérés, hein, de l'obéissance et de l'adoration selon leurs croyances. Et ça, c'est clair que c'est une forme d'égarement total. Le cheikh, il dit ensuite... Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la suite demain, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.